franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Orson Welles, La guerre des mondes. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Cédric Ossir. Il existe peu d'artistes qui sont entrés de leur vivant dans la légende. Voici l'histoire d'un jeune homme devenu un mythe à l'âge de 25 ans. Il est le réalisateur de Citizen Kane, un film considéré par les critiques et les cinéphiles du monde entier comme l'un des plus importants du XXe siècle. Son nom est Orson Welles. À son évocation, chacun d'entre nous voit ressurgir des souvenirs, des images liées au parcours artistique de cet homme aux talents multiples. Alors, à chacun son Orson Welles. Le vieil homme barbu avec son grand chapeau et son gros cigare, le réalisateur de La splendeur des Emerson, La dame de Shanghai, La soif du mal, Macbeth, Othello, Monsieur Arcadine, qui n'a pas en mémoire l'apparition d'Harry Lime sous une porte cochère dans Le troisième homme, ce truand ambigu et fascinant, magistralement interprété par Orson Welles. Qui ne connaît pas l'adaptation radiophonique de La guerre des mondes, qui défraya la chronique en son temps et qui, traversant les années, les décennies, est parvenu jusqu'à nous sous la forme d'un conte légendaire. Orson Welles est un artiste complet, total, metteur en scène de théâtre, réalisateur de fiction radiophonique, de longs métrages, mais aussi de documentaires, de téléfilms. Il fut aussi scénariste, comédien, producteur. Cet homme, à la capacité de travail hors du commun, révolutionna le cinéma et la fiction radio. Il imprima si fort sa marque qu'il influencera durablement plusieurs générations de créateurs. Non, n'ayons pas peur des mots. Orson Welles se situait au-delà de l'artiste, c'était un génie. Et comme toutes les personnalités en avance sur son temps, il dut faire face à l'incompréhension, à l'hostilité de ses contemporains. C'est bien connu, on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. À commencer par les producteurs d'Hollywood, qui par incompétence ou par bêtise ne cessèrent de lui mettre des bâtons dans les roues. Sur certains de ses films, les studios n'hésitèrent pas à faire tourner des fins différentes par d'autres réalisateurs, à couper des scènes, même des scènes entières au montage, à modifier la partition musicale, dénaturant ainsi grandement l'œuvre cinématographique d'Orson Welles du sabotage. Ce n'est que des dizaines d'années plus tard que les amateurs de cinéma purent voir ses films dans leur version intégrale. Moins spectaculaire au niveau de la censure, mais tout aussi mortifiant pour l'artiste, certains de ses projets, parfois très avancés, ne purent voir le jour, faute de soutien financier. Certains tournages de longs métrages furent interrompus pour les mêmes raisons. Et quand Orson Welles réunissait les conditions financières, les budgets de ses films étaient si étriqués que les tournages s'avéraient particulièrement difficiles à gérer sur le plan humain comme technique. Orson Welles est né le 6 mai 1915 à Kenosha, dans le Wisconsin. Il est mort le 10 octobre 1985 à Hollywood. Entre ces deux dates, il a illuminé le ciel de ses éclairs de génie. Et pourtant, très lucide, il faisait à la fin de sa vie, dans un grand éclat de rire, ce bilan amer. J'ai commencé au sommet et après, je n'ai fait que descendre. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité et l'œuvre d'Orson Welles, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission, après la fiction donc, François Thomas, historien de cinéma. Mais tout d'abord, avant de commencer notre voyage dans l'univers du grand Orson Welles, nous allons donner la parole à Philippe Touzet, l'auteur de la fiction que vous allez entendre. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors, pourquoi avoir choisi ce moment particulier de la vie d'Orson Welles? Il est jeune, il n'est pas encore connu, il lance une émission radio sur les ondes de CBS le 30 octobre 1938. Mais alors, évidemment, en même temps, on dit, quelle émission? Un truc totalement invraisemblable. Les Martiens débarquent, des milliers d'auditeurs le croient, c'est hallucinant scénaristiquement. Ben j'imagine que c'est pas évident d'écrire le début d'une émission légendaire, comment tout a commencé, tous les préparatifs, la tension, puis lorsque l'émission démarre, et ben finalement la fiction s'arrête. Ça, c'est un choix d'auteur. Moi, ça me paraît un choix audacieux, en tout cas. Bon, ce qui ne nous empêchera pas d'en écouter quand même un morceau, parce que c'est un morceau historique, quoi. Voilà. Ce qui m'intéressait déjà en tant qu'auteur, c'est déjà ce qui est plaisant, c'est la mise en abîme, c'est-à-dire écrire une fiction radiophonique sur une fiction radiophonique. Donc voilà. Après, le travail, il est simple. Je n'allais pas recoller sur l'adaptation d'Orson Welles et des autres scénaristes. Je n'allais pas retravailler dessus puisque tout le monde peut écouter La Guerre des Mondes, la version originale qui est quand même extraordinaire, d'une modernité incroyable. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler comme un long plan séquence de 25 minutes avant la diffusion en direct de La Guerre des Mondes. Donc c'est de 19h35 à 20h le 30 octobre 38 dans les studios de CBS, donc où règne une frénésie incroyable, parce qu'ils travaillaient vraiment dans des conditions vous venez de le dire, hallucinantes, parce que toutes les semaines, ils adaptaient des grands classiques de la littérature mondiale, Le Tour du Monde en 80 jours, Jules César, Jane Eyre, et donc tous les scénaristes écrivaient sans arrêt, ils passaient les textes aux comédiens, et très souvent Orson Welles aussi adaptait. Mais là, il ne pouvait pas, parce que je me sers de ça au niveau dramatique, il ne pouvait pas, il était en train de répéter La Mort de Danton. En même temps, il s'était attribué le rôle de Saint-Just. En même temps, il avait fait les décors. Il peignait 1700 masques qui étaient censés représenter la foule de la Révolution. Enfin bon, voilà, il était partout. Et donc, il s'est aperçu que deux jours avant, que l'adaptation était mauvaise. Donc, j'essaie de recréer toute cette excitation, parce que tout a été fait vraiment, comme on dit aujourd'hui, un peu à l'arrache. C'est-à-dire que les comédiens sont restés quasiment 24 heures non-stop dans le studio. Ils répétaient en même temps. Il faut voir les conditions. C'est un direct, c'est quasiment une heure en direct, c'est-à-dire qu'il y a 27 musiciens, dirigés par Bernard Herrmann d'ailleurs, qui deviendra très connu avec ses musiques des films d'Alfred Hitchcock, entre autres. Et donc il y a une vingtaine de comédiens, il y a les bruiteurs, enfin et Orson Welles, il est sur une petite estrade, derrière un pupitre, comme un chef d'orchestre, et il dirige tout son petit monde comme ça. Donc il y a une vraie frénésie, on perd ses partitions, on marche sur les hot dogs, enfin c'est la folie pure. Et est-ce que le fait d'imaginer ce que vous connaissez si bien, c'est-à-dire l'atmosphère d'un studio radio avec des comédiens, comme chez nous, hein, évidemment, est-ce que ça aide, ou est-ce qu'au contraire ça demande une exigence supplémentaire ? Oh, ça aide. Ça aide. C'est comme un auteur de théâtre qui a été comédien. C'est, voilà, ou qui a l'habitude, du plateau. Oui, ça aide, parce que de suite, on voit le cadre. Et d'ailleurs, on peut voir les photos des studios d'enregistrement de CBS en 1938. Ils ressemblent à ceux de la maison de la radio. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a toujours la régie, la grande vitre. Voilà, les câbles, les micros. Et puis ces objets qui font le son aussi. Et les objets, et le bruiteur, c'était toute une équipe, une cinquantaine de personnes qui pendant une heure travaillent sur une fiction comme La Guerre des Mondes, qui est pas la plus simple à adapter pour la radio. En tout cas, bravo Philippe Touzet, et merci pour ces quelques explications à la fois techniques et artistiques. Orson Welles, La Guerre des Mondes, de Philippe Touzet. Réalisation, Cédric Ossir. 30 octobre 1938, 19h35, studio 1, au 21e étage de l'immeuble de CBS à New York. Diffusion en direct dans 25 minutes. Qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui ? Il nous fait un discours ? Il pense peut-être qu'il n'a pas assez de texte dans la fiction. Oui, c'est possible. Je suis pas franchement satisfait par l'adaptation. C'est un peu tard, Orson. Tu crois pas ? J'ai hésité. Entre ça et Le Monde perdu de Conan Doyle. T'as lu ni l'un ni l'autre. Alors, pour Le Monde perdu, tu t'es dit, il y a des dinosaures, c'est sympa. Et pour La Guerre des Mondes, il y a des soucoupes volantes et des martiens, c'est super. John, ton propos est un peu réducteur. Orson, t'es peut-être un génie, mais me prends pas pour une lampe à huile. Patron, je t'installe comme d'habitude. Du style chef d'orchestre avec ta petite estrade et le pupitre. Mais c'est pas déjà fait ? C'est quoi cette question ? Je vais diriger en direct 27 musiciens d'un côté et 10 comédiens de l'autre. On a un petit souci. J'aime pas ça. Il nous manque un pupitre. Et alors ? C'est le tien. Tu peux pas t'en apercevoir avant ? Mais putain, j'ai pas que ça à foutre que de compter les pupitres ! Mais tu vas dans le studio 2 et t'en piques un ! Non, non, non, non. T'y vas et tu leur demandes si tu peux emprunter un pupitre. Et s'ils veulent pas ? Tu leur dis qu'on est 40 et que si c'est comme ça, on fait une descente et on leur remet plein la gueule. Bah, carrément. Mais d'abord, tu demandes, et poliment. Ok. De quoi on parlait ? De l'adaptation. Ah oui. Ben, j'ai connu Howard plus inspiré. Il a fait ce qu'il a pu avec le temps qu'il avait. Peut-être, mais j'ai été obligé de tout refaire, dans la précipitation. Charlie ? T'as vu l'état du studio? Il y a des hot dogs qui traînent par terre. Les poubelles sont remplies à la gueule. Il y a des boîtes de donuts un peu partout. Bah ouais, ça fait 24 heures qu'on est là. Tu peux dégager tout ça? Je suis comédien, pas femme de ménage. Tout de suite. Pour l'adaptation, fallait m'en parler avant. Tu te fous de moi? Il a fallu que je vienne te chercher par la peau des fesses au théâtre. Alors, je sais bien que tu mets en scène la mort de Danton, que tu t'es refilé le rôle de Saint-Just, que t'as du boulot par-dessus la tête, que tu veux être à droite, à gauche, au milieu, et surtout en haut, comme Dieu le Père. Et puis c'est quoi cette histoire de masque? Ils sont censés représenter la foule. Merci, j'avais compris. Mais on m'a dit que c'est toi qui les peignais un par un. Oui, c'est vrai. Il y en a combien? 1700. Mais t'es... Putain, je trouve pas mes mots. T'es génial? Non, c'est pas ça. T'es... Mon meilleur ami. Non, enfin, oui. Mais t'es complètement allumé. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes la femme de ménage? Non, je suis musicienne. Bravo. Monsieur Herman m'a dit de vous dire qu'il doit s'absenter un court instant. Non, mais il débloque, Bernard. Il nous envoie quelqu'un pour nous dire qu'il va au chiottes. Il est rentré chez lui. Quoi? Il a oublié ses partitions. Tu vois, je t'avais dit de ne pas faire de pause en début d'après-midi. Il y en a qui sont rentrés chez eux. Et ceux qui habitent dans le coin. Et comment on va faire avec un orchestre sans chef d'orchestre? À quoi ça sert, un chef d'orchestre sans partition? Où est-ce qu'il habite? Bah, je sais pas. Vous n'êtes jamais allé chez lui? Non. Mais comment ça se fait? Bah, je ne... Enfin, je... John, si tu cours vite, tu peux le rattraper. Ouais. Merci. Ingrid. Merci, Ingrid. Ah. Franck, j'ai un truc à te faire écouter pour ton personnage de reporter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je passe un coup de balai. T'as raison, c'est dégueulasse. Bon, viens avec moi à la régie. Orson, t'as deux secondes? Oui, dis-moi. Pour le secrétaire aux affaires intérieures, si je prenais la voix de Roosevelt... Le speaker annonce le secrétaire, pas le président. Ouais, je sais, mais ça pourrait ajouter à la confusion. C'est pas mal, hein? Attendez les gars, je réfléchis. Ok, on fait comme ça. Super. Orson, je peux te dire un mot? Tout à l'heure, Richard, là, j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est important. Non, je n'ai pas le temps. Franck, baisse la tête et t'arrête pas, autrement on va jamais y arriver. Oh nom de Dieu, ça fait du bien, un peu de calme. Alors voilà, écoute ça, c'est le crash du Hindenburg l'an dernier. Ah oui, j'ai vu les images, c'était terrible. Ouais, mais oublie les images, on fait de la radio. Et justement, c'est le reportage radio de Morrison. Ça peut te servir pour ton rôle de reporter, le gars qui voit les soucoupes volantes, qui les décrit. Mais que se passe-t-il? Elles bougent, elles sortent de terre. Ah, mon Dieu, elles nous tirent dessus, une sorte de rayon vert qui brûle tout sur son passage. C'est terrible, c'est horrible, c'est la fin du monde. Enfin, tu vois, dans ce genre-là, quoi. Il est pratiquement immobile maintenant. Les moteurs arrière sont stoppés. Le dirigeable Hindenburg va amorcer les manœuvres d'atterrissage. Il commence à pleuvoir de nouveau. Ils ont baissé les cordes sur le nez du zeppelin. Oh! Il a pris feu. Il a pris feu. C'est la chute. Regardez-le. Regardez-le, mesdames et messieurs. Éloignez-vous. Oui, oui, éloignez-vous. Regarde, Charlie. Charlie, regarde. C'est le feu. Il va s'écraser. Quel terrible fracas. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Il brûle. Il est en flammes. Elles atteignent le mât d'amarrage. C'est terrible. C'est la pire des pires catastrophes dans le monde. C'est un fracas épouvantable, mesdames et messieurs. C'est la fumée, les flammes. Il s'écrase au sol. Et tout le monde peut à peine à respirer, parler. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, mesdames et messieurs. Je ne peux pas, je... C'est une bonne idée, le flash spécial. Elle est pas de moi, j'étais en train de peindre le masque. T'as pas un peu autre chose à faire? Alors, tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Bref. J'ai écouté Raid Aérien de McLeish, c'était pas mal du tout. Archie avait conçu sa fiction comme un long flash spécial, c'était bien. Et puis quelques heures après, j'écoute l'enregistrement de la répétition de La Guerre des Mondes. T'aurais pu être là quand même. Je ne peux pas être partout, au théâtre et à la radio. Quand je suis là, vous me balancez que je me prends pour Dieu le Père, que je veux tout maîtriser du sol au plafond, et quand je ne suis pas là et que je délègue, ça ne va pas non plus. Que veux-tu? La solitude du pouvoir. Franck, laisse-moi aller au bout de mon histoire, on n'est pas à la maison en train de boire des coups. J'écoute l'enregistrement. Et là, je me dis, nom de Dieu, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est la fiction d'Archie. Et il y a un truc qui est vraiment mauvais, c'est ma fiction à moi. Donc je reprends tout à zéro. L'action ne se déroule pas il y a 50 ans, mais aujourd'hui, en direct, avec une succession de flashs spéciaux. Mais pas que. J'ajoute des interviews, des scènes de bataille, des mouvements de panique et du silence. Plus rien. Le vide. Et ça repart, les Martiens attaquent, c'est l'horreur, la fin du monde. Et tu ne crains pas que ce soit un peu trop réaliste ? Je ne te suis pas. Avec tout ce qui se passe actuellement en Europe, les accords de Munich, il n'y a pas une émission qui n'est pas coupée par un flash. Franchement, je vois pas le rapport. C'est un énorme canular, on est à la veille d'Halloween. T'as peut-être raison. L'émission est annoncée dans tous les journaux. Au début, je fais mon petit topo, bonjour, mon nom est Orson Welles, la fiction que vous allez écouter aujourd'hui est patati et patata. On refait une annonce en plein milieu, et à la fin, je fais coucou, c'est encore moi, joyeux Halloween. Et tu sais bien que le dimanche à 20h, la plupart des gens écoutent NBC, l'émission de... comment il s'appelle déjà ? Edgar Bergen. Oui, c'est ça, le ventriloque. En plus, ce soir, j'ai regardé, il y a Dorothy Lamour et Don Ameche. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les auditeurs vont faire comme d'habitude. Une fois l'émission de Bergen terminée, ils vont aller sur CBS pour écouter la fiction qui aura déjà commencé. Donc, ils ne sauront pas que c'est une fiction. Excuse-moi. Oui, Richard, je suis là. Je t'écoute. Pour le personnage du fermier, je le fais comment ? Normal ou... ou Plouk, de chez Plouk qui vit à Plouklan ? Alors, ni l'un, ni l'autre. Le type, il y a une soucoupe volante qui s'est écrasée dans son jardin. Il est sous choc. L'incompréhension avant la peur. Mieux que l'incompréhension, il est dans un état de sidération. Il est sidéré. Ok ? Ok. Monsieur Wells ? Ingrid. Je viens de voir Monsieur Herman au téléphone. Il est chez lui avec Monsieur Haussmann et ils sont en train de chercher les partitions. C'est censé me rassurer ? Je ne fais que transmettre. Et vous faites quoi comme instrument, Ingrid ? Violon. Ah. Orson, viens me voir. Pour une fois, je peux t'attraper en plein vol. Alors voilà, c'est pour l'ouverture de la soucoupe volante. Je t'avoue, ça me pose problème. Je vais ouvrir ce bocal tout doucement et tu vas me dire si ça fonctionne. C'est un bocal de quoi ? De cornichons. Mais on s'en fout, tu crois pas ? C'est vrai. Écoute. Écoute bien. Alors ? C'est quelqu'un qui ouvre un bocal de cornichon. D'accord, bon, ferme les yeux, je vais le refaire. Alors ? C'est quelqu'un qui ouvre un bocal de cornichon, dans le noir. Ah, fais pas d'humour, c'est pas le moment. J'ai autre chose. Alors ça, c'est une ampoule à vis avec le culot. Le culot, je l'ai un peu mouillé et mis un peu de sable dedans. Et quand je visse l'ampoule dans le culot, c'est intéressant. Écoute-moi ça. Mais j'entends pas bien, il y a trop de bazar, là. Mais putain, vous allez la fermer ? Il y a que le bruiteur qui a le droit de faire du bruit. Bon. Allez, dis-moi ce que t'en penses. Je suis pas convaincu. Ah, moi non plus. J'ai pas fini ! Alors ça, c'est un tabouret de dessinateur qui monte et qui descend, tout pourri. Je l'ai serré à mort en bas, et là, je vais le remonter. Écoute bien. Alors ? C'est bien. C'est vrai ? Non, oui, c'est pas mal. C'est bien ou c'est pas mal ? C'est bien. Bon. Alors, ok, je pars là-dessus. Oui, mais dépêche-toi, l'invasion martienne va bientôt commencer. Eh, hey, monsieur ? Oui. Je la mets où, la fontaine à eau ? Là-bas, à côté de la régie, là où il y a la vitre. Ah oui, comme un aquarium ? C'est ça. Il y a un gros poisson qui vous fait des signes. Tu veux me voir ? Je voudrais te lire un ou deux passages de Carl Phillips, le reporter, pour voir si j'ai bien compris ce que tu voulais. Vas-y, je t'écoute. Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrifiant. Une chose sort en rampant comme un serpent gris, suivie par une autre et encore une autre. On dirait des tentacules. Une forme étrange émerge du cratère. Je distingue un rayon de lumière contre un miroir. Attendez. Une flamme vient de jaillir du miroir en direction des gens. Seigneur, ils prennent feu. Les champs brûlent aussi. Les arbres, les granges, les réservoirs des voitures. Le feu vient par ici, à 20 mètres sur ma droite. Et là, on comprend qu'il est mort. Oui. Enfin, j'espère. Est-ce qu'on peut faire la scène avec le fermier qui est juste avant ? Oui, mais vite fait, ça commence à devenir serré au niveau du temps, là. Richard, amène-toi. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est bien, mais... tu vas trop vite au début. Prends ton temps. Il est fasciné, hypnotisé, tu vois ? Et puis ça monte, crescendo, tu accélères, silence. Comme une voiture qui se prend un mur à 100 à l'heure, silence. La mort et la désolation. Qu'est-ce qu'il y a, Franck, t'as besoin de moi ? Comme Orson est disponible, de moins en moins. J'aimerais qu'on se fasse une lecture de notre scène. Merde, j'ai pas mon manuscrit. Il y en a sur le bureau, là. Ok, c'est bon. Pendant que la police repousse la foule, voilà qu'arrive Monsieur Wilmot, le propriétaire de la ferme où nous nous trouvons. Il a sans doute des commentaires intéressants à faire. Monsieur Wilmot, voulez-vous raconter à nos auditeurs l'arrivée de ce visiteur inhabituel dans votre jardin? Avancez un peu, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Wilmot. Eh bien, j'étais en train d'écouter la radio... Alors plus près et plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi. Plus fort, s'il vous plaît, et plus près. Oui, monsieur. J'étais en train d'écouter la radio, je somnolais un peu. Le professeur était en train de parler de Mars. J'étais à moitié assoupi. Oui, oui, Monsieur Wilmot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme je le disais, j'écoutais la radio à moitié assoupi. Oui, Monsieur Wilmot. Et là, vous avez vu quelque chose? Pas tout de suite. J'ai entendu quelque chose. Et qu'avez-vous entendu? Un sifflement, comme ça. Un peu comme une fusée du 4 juillet. Oui, et après? Je me suis retourné vers la fenêtre. Et j'aurais juré que j'étais en train de dormir et de rêver. Oui. J'ai vu une sorte de traînée verdâtre et là, boum! Quelque chose a frappé le sol et ça m'a carrément éjecté de ma chaise. Étiez-vous effrayé, Monsieur Wilmot? Je reconnais que j'étais plutôt agité. Merci, Monsieur Wilmot. Merci beaucoup. Vous voulez que je continue? Non, ça va, ça suffit. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre Monsieur Wilmot, le propriétaire de la ferme où cette chose est tombée. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais n'en faites pas trop dans la comédie. C'est la seule scène où il y a un peu d'humour. Alors faut être léger, comme une plume dans un univers de plomb. D'accord. Richard, ton fermier, je te l'ai dit tout à l'heure, il est complètement à côté de la plaque, dans un état second, il comprend rien à rien. Okay. Et toi, Franck, ton reporter, il fait son boulot. Ce serait une catastrophe ferroviaire, ce serait pareil. Il recherche pas la vérité, il fait du sensationnel. Lui aussi, dans son genre, il comprend rien à rien. D'accord. Et surtout, il faut avoir le rythme en tête. Le rythme, c'est la création. Chacun vit à son rythme. C'est pourquoi l'artiste se doit de trouver une sorte de rythme universel qui parle au plus grand nombre. Dans cette fiction, je compresse le temps, dès le début. Le reporter est à Princeton et 5 minutes après, il est chez le fermier à Grover's Mill, qui est à plus de 20 kilomètres de l'université. 5 minutes après, l'armée arrive, 7000 hommes. C'est tout simplement impossible. Ouais. 10 minutes après, les Martiens envahissent notre pays. New York est rayé de la carte. Pourquoi je fais ça? Hein, pourquoi cette accumulation d'invraisemblances? Parce que ce n'est pas l'information qui est importante, c'est le rythme. L'émotion doit supplanter la réflexion, et ainsi, l'auditeur va croire à l'incroyable. Et t'as pas peur que les gens y croient un peu trop? Ah, tu vois, lui aussi. Non mais les gars, quand vous allez au théâtre, au cinéma, vous croyez à l'histoire qu'on vous raconte. Pourtant, vous savez bien que c'est pour de faux. Parce que dans votre tête, il y a une sentinelle qui sait faire la différence entre un nuage et une fumée suspecte. Oui, mais le théâtre et le cinéma sont aussi des lieux... Avec la radio, on entre chez les gens. On fait partie de la famille, on est dans l'intime, le salon, la chambre, la salle de bain. Les amis, c'est une discussion passionnante, mais pas maintenant. J'aimerais vraiment pouvoir souffler 30 secondes, seul. Tu vas pas souffler longtemps? Il y a une fille du service juridique qui se ramène. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, mais c'est pas vrai. Monsieur Wells? Bonsoir, vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Mary Watson, du service juridique. Je voulais savoir si vous avez tenu compte de nos recommandations. C'est un peu tard, vous ne croyez pas? On va commencer dans quelques minutes. Mieux vaut tard que jamais. En effet. Oui, j'ai tenu compte de vos 28 recommandations. Vous vous êtes surpassé. Je fais mon métier. Est-ce que je peux, à mon tour, vous faire une recommandation? Bien sûr. La sortie est par là. Mon royaume pour quelques secondes de solitude. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde t'attend. J'essayais de ne rien faire, mais je n'y suis pas arrivé. Vous avez retrouvé les partitions? Oui, oui, c'est bon. Bon, très bien. Allez, vite, vite, vite, on va commencer. Salut. Allez, salut Orson. Non mais, qu'est-ce que vous foutez la régie là? Vous n'êtes pas encore installé? C'est pas notre faute si Orson confond la régie et son bureau. Tout le monde est en place? Ouais. On attend plus que toi. Mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Merde. Silence. Et pour ceux qui sont concernés, après la diffusion, on se retrouve au théâtre pour la répétition. J'ai dit silence. 5, 4, 3, 2, 1. C'était Orson Welles, La guerre des mondes, de Philippe Touzet. Orson Welles, Mathieu Lemeunier. John Hausmann, Pierre Carbonnier. Le technicien, Olivier Angèle. Charlie Johnson, Pierre-Marie Baudouin. Ingrid Carré, Gaëla Le DVA. Franck Rédic, Mathias Simon. Kenny Delmar, Julien Boyniche. Richard Wilson, Étienne Launay. Herbert Morrison, Antoine Sastre. Jimmy Marvin, Bastien Bouillon. Et Mary Watson, Fanny Marie. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Célia Dufour. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Cédric Ossire. Personne n'aurait cru dans les premières années du XXe siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines, et cependant mortelles comme elles. Que tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés, étudiés, d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Mesdames et messieurs, je suis dans le jardin de la ferme des Willsmouths à Grover's Mills. Et de là où je suis, je peux voir toute la scène. Je vais tout vous raconter, tous les détails. De plus en plus de policiers sont là, et aussi une foule de gens devant le trou. Plus besoin d'écarter la foule. Ils se tiennent à distance. Le capitaine parle avec quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais je crois que c'est le professeur Pearson. Le professeur s'avance, tandis que le capitaine et deux policiers s'avancent aussi, tenant quelque chose à la main. Oui, c'est un mouchoir blanc, attaché au bout d'un bâton. Attendez, il se passe quelque chose. Une forme s'élève du trou. Un rayon se reflète d'un miroir. Et que se passe-t-il ? Le rayon s'enflamme. Le rayon enflamme tout. Le bois. Tout s'enflamme. Le rayon, ça vient vers moi, à quelques mètres à ma droite. Mesdames et messieurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l'obligation d'interrompre la liaison avec Grover's Mills. C'est Orson Welles qui vous parle, mesdames et messieurs, et qui maintenant ne joue plus. Pour vous assurer que la guerre des mondes n'est en fait rien d'autre que ce qu'elle a toujours été, un cadeau qu'on vous a préparé pour les vacances de Noël. La version de la radio Mercury, du vieux truc de se mettre un drap sur la tête et de bondir d'un buisson en faisant « ouh ». Nous avons détruit le monde devant vos oreilles et avons totalement détruit CBS. J'espère que vous serez soulagé d'apprendre que ce n'était vraiment pas le cas et que ces deux institutions fonctionnent toujours à merveille. Alors à bientôt tout le monde, et je vous en prie, souvenez-vous à l'avenir de la terrible leçon que vous avez apprise aujourd'hui. Que cet être grimaçant, phosphorescent et globuleux qui a envahi votre salon vient en fait du champ de citrouille. Et que si quelqu'un sonne à votre porte et qu'il n'y a personne, ça n'était pas un martien. C'était plutôt que c'est Halloween. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Orson Welles, La guerre des mondes, notre invité François Thomas, historien du cinéma. Bonjour François Thomas. Bonjour. Alors, vous êtes professeur en cinéma à l'Université Sorbonne Nouvelle, collaborateur de la revue Positive. Vous avez publié deux livres sur Orson Welles, en collaboration avec Jean-Pierre Berthomet, dont Orson Welles au travail, et de nombreux articles et entretiens avec les collaborateurs de Welles. Vous avez publié un dossier sur la radio d'Orson Welles dans Positif. C'était en octobre 1988. Vous avez préfacé les éditions CD des émissions radio de Welles, La guerre des mondes, bien sûr, mais Dracula aussi, L'île au trésor, et Rebecca chez Fonurgia Nova. Votre nouveau livre, Alain René, Les coulisses de la création, un livre consacré à ce grand cinéaste français Alain René, sortira en librairie le 5 octobre, donc très vite, hein, aux éditions Armand Collin. Bien, alors, pour le décrire, hein, les adjectifs ne manquent pas, décrire Orson Welles. Tous plus dithyrambiques les uns les autres. Tiens, quelques exemples lus dans la presse. Alors on voit les mots suivants. Un mythe, un génie, un géant protéiforme, l'archétype du cinéaste auteur, un magicien, une âme nomade et prise de théâtre et de cinéma. Non, je t'ai plus. Qu'en pensez-vous ? Ben, tout ce que vous venez de dire est vrai, bien entendu. Le côté génial d'Orson Welles était là bien avant ses 25 ans. Il était célèbre en réalité bien avant ses 25 ans. D'abord pour même jeune enfant, adolescent, il était extrêmement connu autour de la ville de Chicago, où il a grandi une partie de son adolescence. Et à l'âge de 18 ans, déjà, il se produisait sur les planches en tant qu'acteur professionnel. Il a publié des éditions de Shakespeare. Mais surtout, c'est à partir de 1936 que sa carrière a explosé avec ses premières mises en scène théâtrales. La toute première, c'est Macbeth. Avec toujours Shakespeare. Bien sûr, mais même avant. Puisque Macbeth, entièrement interprété par des acteurs noirs, ça avait fait sensation à Harlem. Et ensuite, il a d'abord travaillé pour le Federal Theatre, financé par l'administration américaine. Et il a fini par créer son propre théâtre, en compagnie de John Houseman, le Mercury Theatre, qui a donné son nom à sa série d'émissions radiophoniques, The Mercury Theatre on the Air, le théâtre Mercury sur les ondes. Alors, puisqu'on parle de prestations radiophoniques, bien sûr, on arrive à ce gigantesque mensonge au micro de CBS en 1938. Alors, c'est complètement fou. Pour vous, c'est une folle provocation ou c'est une idée de génie? Ou les deux d'ailleurs, ça peut être en même temps. Peut-être aucun des deux, parce qu'il n'est même pas sûr que Orson Welles, au début, se soit rendu compte de ce qu'il était en train de préparer. C'était une émission parmi d'autres. Ouais. Orson Welles, à ce moment-là, faisait une émission de une heure par semaine, depuis le 11 juillet 1938. La plupart du temps, c'était des adaptations de romans. Il ne voulait pas transposer ses pièces de théâtre, ses spectacles théâtraux à la radio. La semaine précédente, il a fait Autour du monde en 80 jours. Et il s'agit à chaque fois de trouver une nouvelle pièce ou un nouveau roman à adapter. Donc, ce jour-là, il fallait peut-être faire de la science-fiction. Il y a d'autres idées qui ont été débattues. Et puis est venue sur le tapis l'affaire de La guerre des mondes. Mais le roman, si on le lit, personne ne peut croire que c'est en train d'arriver. Encore moins aux États-Unis en 1938, puisque le roman est antérieur et situé en Grande-Bretagne. Donc, progressivement, très très progressivement, le scénario a évolué tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on peut encore l'écouter aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme, pour un peu plus de la première moitié de l'émission, d'une fausse émission en direct avec des bulletins d'information, des interruptions pour des flashs, etc. Autrement dit, il est très probable que rien n'était véritablement prémédité. Il faut aussi se rappeler qu'à ce moment-là, Welles ne faisait pas seulement son émission radiophonique. Il était en train de répéter La mort de Danton de Buchner, qui était probablement 10 fois plus important pour lui pendant toute cette semaine-là que La guerre des mondes, une émission parmi d'autres. Alors là, c'est l'homme de radio qui vous parle, mais le vecteur radio, le média radio, a permis cette dramatisation, hein, par le mystère du son, par le mystère de la voix. On a pu faire croire qu'il se passait ça, que les Martiens étaient arrivés. Mais le média radio, il est pour beaucoup. Bien entendu, Welles, vous avez parlé tout à l'heure en citant des journaux de génie, Welles était... depuis sa première émission radiophonique, avant même celle dont on entend parler, puisque avant son émission hebdomadaire, il a eu d'autres premières tentatives avant qui étaient extraordinaires aussi, il a tout de suite compris, notamment, la puissance d'intimité de la radio, et notamment, c'est quelqu'un qui refusait le côté théâtre de la radio. Il n'aimait pas la notion de théâtre radiophonique. Pour lui, c'était un média narratif. Et donc, il s'agissait, Welles, dans toutes ses émissions, sauf pour une part La guerre des mondes, précisément, qui prenait à contre-pied tout ce qu'il avait fait précédemment, Welles, dans toutes ses émissions, était le narrateur à la première personne, et il s'y prenait d'une façon telle que chaque auditeur avait l'impression que Welles s'adressait à lui et à personne d'autre. Ses interventions au début, à la fin de l'émission, on avait envie de le suivre au bout du monde, ce jeune homme de 23 ans. C'est presque une mise en abîme, hein, cette interview, puisqu'on parle de radio, de narration, par le micro, enfin, la comparaison s'arrête là, hein. Je ne vais pas faire preuve d'immodestie, on va reparler évidemment de ce qui nous intéresse, et de Orson Welles. Alors, c'est l'un des plus grands réalisateurs de cinéma, c'est clair, on y reviendra d'ailleurs. Alors à propos desquels, les légendes les plus diverses superposent à l'esprit, on rappelle qu'il fait une entrée fracassante au cinéma avec Citizen Kane, qui le propulse en jeune prodige de Hollywood. Que se passe-t-il après? Pourquoi ces relations avec les studios vont-elles tourner vinaigre? Elles rompent. Pour des raisons extrêmement variées, dans ce que vous avez lu tout à l'heure, il était plutôt question de mettre tout le blâme sur le dos des studios, en réalité. Oui, du financement et de la timidité, de la peur aussi. Oui, sans doute. En même temps, il fallait un culot monstrueux de la part du producteur, du chef de RKO, pour donner une carte quasiment blanche au moment de Citizen Kane à quelqu'un qui, pour ainsi dire, même s'il avait touché tout de même une caméra, qui n'avait jamais travaillé dans le cinéma de façon professionnelle. Donc il y a eu un vrai démarrage, une vraie confiance au début, certes peut-être d'une seule firme, mais essentiellement d'un nombre réduit de personnes. Ensuite, Welles a parfois joué de malchance lorsque Pearl Harbor intervient alors qu'il est en train de tourner un film et qu'il est obligé de quitter ce film et un autre projet à lui pour se faire ambassadeur de bonne volonté en Amérique latine à la demande à la fois de sa société de production et du gouvernement américain. Très souvent, on peut dire que les torts étaient partagés, comme très souvent dans les disputes, dans les montages cinématographiques. Voilà. Et Welles, c'est quelqu'un qui a fait de l'auto-sabotage, notamment à cause de cette propension qu'il avait, qui est absolument fascinante, d'être tellement happé par le prochain projet qu'il ne prenait pas le temps nécessaire à achever le projet en cours. Par exemple, La soif du mal, il a les meilleures relations du monde avec ses producteurs, et puis il décide d'aller tourner Don Quichotte, et personne ne sait où il est. Et donc le montage continue sans le metteur en scène qui ne donne pas signe de vie, et Welles est tout surpris en rentrant qu'on n'est pas attendu. Et ce que je vous dis pour La soif du mal, il l'a fait 5 fois, 6 fois, peut-être davantage. Donc on peut effectivement comprendre aussi l'industrie du cinéma et ses réticences quelquefois par rapport à ça. Alors c'est... Pardon, oui, allez-y. Non, tout ça pour dire que dans certains cas, évidemment, les studios se sont très très mal comportés. C'est absolument indéniable. Dans d'autres cas, si nous étions à la place des patrons de studios, si nous avions été traités comme Welles les avait traités, peut-être aurions-nous réagi d'une façon similaire. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que Welles commence ses allers-retours entre l'Europe et les États-Unis, où il a une image compliquée, on va dire, aux États-Unis, alors qu'en Europe, il est déjà une star, une icône, on l'adore, on est en admiration devant lui. Il y a ce clivage-là. pas dans tous les pays, puisque lorsqu'il quitte provisoirement, il n'a jamais eu l'intention de s'exiler à long terme. Il est parti pour un projet ponctuel en Italie, enfin un film hollywoodien tourné en Italie, Cagliostro. Ensuite, il est question de tourner en Angleterre pour le producteur Alexander Korda. C'est peut-être l'affaire de quelques mois, et puis il prévoit de retourner aux États-Unis. Finalement, il y est resté des années. Mais en Italie, il n'y a même pas eu de lune de miel. L'Italie, il y a un excellent livre italien sur le sujet, n'attendait pas du tout, d'abord n'avait pas vu les films de Wells, fondamentalement, puisqu'ils n'étaient pas encore sortis à cause de la guerre. Donc Orson Welles, c'était le mari de Rita Hayworth. Ou plutôt, le mari qui était en train de divorcer de Rita Hayworth. Et comme l'Italie, à ce moment-là, vivait pour la critique de cinéma sous le règne du néoréalisme, et que Welles était... quoi qu'aient pu écrire certains, à l'opposé absolu en termes de stylisation, très vite, il est devenu plutôt une personne à combattre qu'une personne à admirer. Et au moment de Macbeth, il a eu la quasi-totalité de la presse contre lui. Ce qu'on appelle un artiste sulfureux. Oui, alors qu'en France, du début jusqu'à la fin, il a bénéficié d'une véritable admiration, j'irais presque jusqu'à dire d'un véritable culte, et ça a commencé dès Citizen Kane. Mais vous savez, aux États-Unis aussi, au début, je pense qu'il n'y a pas eu de film mieux reçu aux États-Unis que Citizen Kane. Ça a été extraordinaire. Un critique américain, par ailleurs romancier, John O'Hara, avait commencé en substance son article. J'ai le regret, cher lecteur, de t'annoncer que j'ai vu le meilleur film de l'histoire du cinéma avec le meilleur acteur de l'histoire du cinéma. Titre du film Citizen Kane, nom de l'acteur Orson Welles. Et si j'ai le regret, c'est parce que vous, mon cher lecteur, vous risquez de ne jamais voir ce film. C'était au moment où le magnat de la presse William Randolph Hearst cible éloigné du film de Welles, menacé de ruiner la carrière du film. Bien, François Thomas, on va aller s'abriter pendant 3 minutes, parce que je crois que les Martiens nous attaquent. Et puis on se retrouve après pour continuer à parler d'Orson Welles. Et là, pour le coup, de son art, hein, ce qui fait que c'est un grand cinéaste. À tout de suite. Il nous attaque pour de vrai ou vous me faites marcher? À votre avis. With my friends and enemies, with run all the thorns to dry my inspiration up. I have no more words, I have no more patience. I've only a sound that hardly comes from my mouth. My skull is like a cracked ballot box. But when the darkest night I'm more important than you talk. I'm a zombie for myself, but for you I'm still a baby. My mind is half empty, what the hell am I gonna do? My skull is like a crack bullet box. But when the darkest night come to Bien, François Thomas, on se retrouve donc pour parler du grand Orson Welles. Alors, il y a d'autres ogres dans le cinéma. Fritz Lang, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fellini et Stanley Kubrick. Quels sont les ingrédients du talent d'Orson Welles? Qu'est-ce qui fait de lui un grand cinéaste? L'inventivité. Absolument constante et des films qui ne ressemblent à aucun autre. Lorsqu'on prend certains des autres cinéastes que vous avez mentionnés, quel que soit leur talent, lorsque nous voyons des films, ils tournent dans une même direction, alors que Welles est imprévisible. Ensuite, il y a une énergie absolument faramineuse, une absence de complaisance totale dans l'amour pour ses propres images qui lui permet très souvent de couper très très rapidement et de faire un montage qui ne ressemble à aucun autre, cela de plus en plus, au fur et à mesure de son œuvre européenne dont le style est très différent de l'œuvre américaine. François Thomas, on prête à Rita Hayworth cette réflexion, elle aurait dit, on ne peut pas vivre avec un génie. Bien, quelle était la vie de Welles? Et sous la question, c'est quel genre d'homme il était? Il travaillait 18 heures par jour. Il revendiquait de travailler 18 heures par jour. Donc vous imaginez ce qui restait pour le reste de la vie et vous imaginez ce qu'il restait pour le reste de la vie conjugale. Donc il y a tout de même eu des périodes où il s'est comporté de façon tout à fait différente, mais c'est quelqu'un qui ne vivait que pour le travail, qui passait dans la même journée. C'est absolument hallucinant, d'un projet à un autre, dans des formes d'art différentes et qui ne se reposait guère. Et comment était-il avec ou le public ou les journalistes? Est-ce que c'était quelqu'un de facile à aborder ou au contraire c'est assez compliqué, assez torturé? Welles était la personne la plus complexe et la plus contradictoire du monde, donc absolument adorable un jour et peut-être avec la même personne volcanique le lendemain. En même temps, c'était quelqu'un, comment dire, on l'aimait ou on le détestait. Peut-être que la plupart des gens l'adoraient. Il avait une personnalité telle que beaucoup ont donné le même témoignage, à savoir l'exaspération totale pendant une séance de travail. On a envie de claquer la porte, parfois même on la claque. Mais Welles, ensuite, arrive soit avec des excuses tellement adorable, soit avec des idées tellement exceptionnelles qu'on se remet aussitôt au travail pour lui. Et certains, comme cela, ne l'ont pratiquement jamais quitté. C'est quelqu'un qui a été en permanence entouré par des fidèles. François Truffaut disait de lui ce qu'il y a de commun à tous les films d'Orson Welles, c'est l'affirmation que le conservatisme est une erreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est très vrai pour le style des Welles. En revanche, en ce qui concerne le message des films de Welles, c'est vraiment très paradoxal parce que très souvent, il y a à la fois une affirmation du progrès et puis une nostalgie pour ce que l'arrivée de ce progrès nous amène à perdre. C'est vraiment le message de la Splendeur des Amberson autour de l'arrivée des automobiles, de ce personnage que Welles avait joué à la radio, mais pas au cinéma, qui dit que les automobiles sont une nuisance inutile. C'est vrai aussi de Falstaff ou l'ère de la chevalerie, tel que l'aimait Welles, est combattu par l'arrivée d'un nouveau roi, Henri V. Comme un monde perdu, quoi. Absolument. Alors, on va reparler de la guerre des mondes. Quelles ont été les réactions? Comment ça s'est passé pendant et après? Alors, il y a la légende et la réalité telle qu'on essaie seulement depuis une quinzaine d'années de la déceler. La légende, ça a été une panique de masse. Les journaux, le lendemain, ont titré sur cette panique de masse avec des Américains qui fuyaient dans la rue les fameux Martiens. C'est incroyable, mais honnêtement, j'aurais écouté cette émission en 1938, selon les moments où je serais arrivé en cours de route, si je n'avais écouté que tel ou tel segment sur le moment, ou si j'étais sorti sur le palier en entendant un voisin qui me dit les Martiens débarquent ou d'autres raisons, viens écouter la suite, et si j'avais entendu la suite, j'aurais pu moi-même y croire tellement c'est bien fait. Vous voulez dire que c'est plus le résultat du génie de Welles que de la crédulité des gens, en fait? Oui, parce que cette émission, au départ, elle est annoncée comme une émission de fiction. Elle était annoncée dans la presse également. Mais comme Welles, dès le début, au bout de 30 secondes, d'une minute, décale cette fiction, passe à autre chose, un interlude musical, et qu'on croit qu'on a changé de station de radio. Lorsqu'on tombe sur ces bulletins, d'abord anodins, eh bien, on y croit. Ensuite, certes, il y a une accélération qui est absolument impossible en temps réel, mais une grande partie en tout cas des auditeurs n'ont pas entendu l'émission dans leur continuité. On peut rater le début, on peut arriver en cours de route. Et alors, le plus fascinant dans la révélation d'un livre américain paru il y a un an ou deux, c'est quelqu'un qui a lu les 2000 courriers qui ont été envoyés à Wells, à l'organisme de régulation et aussi à CBS. Le constat, c'est que la plupart des gens qui ont cru l'émission ont paniqué, mais sans savoir que l'émission portait sur les Martiens. Parce qu'ils ont été happés par les voisins ou bien parce qu'ils ont pris en cours de route. Mmh. Et à ce moment-là, oui, c'est absolument crédible. La réaction, donc on a estimé à l'époque que 1,2 million ou 1,3 million d'auditeurs avaient cru sur environ 6 millions qui l'auraient écouté. Est-ce qu'il a eu des critiques dans la presse en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est pas possible de faire ça ? Semer la peur comme ça ? Est-ce qu'il a été vraiment attaqué ou pas ? » Ah bah bien entendu. Bon. Alors, pas par tout le monde. Hein. La majorité des réactions étaient positives. Et certaines figures intellectuelles new-yorkaises de l'époque ont vraiment défendu Wells. Mais pendant plusieurs jours, Wells, le Mercury et CBS ne savaient pas du tout où le vent à les tourner. Alors, il y a eu des mesures législatives qui ont été prises hein, pour interdire l'utilisation des flashs de cette façon-là à l'intérieur d'une dramatique. Mais là, il faut dire que CBS avait dit « Non, non, les amis, ne faites surtout pas ça. » Et Wells et John Houseman sont passés outre. Bon, on apparaît comme des gamins, nous, avec nos poissons d'avril, quelquefois, quand on en fait à la radio. Ça se perd un peu, cette tradition. Mais je rappelle aussi, parce que nous sommes dans les années 30, que la radio à l'époque, eh bien, c'est le média roi, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans un fauteuil et on regarde la radio, c'est-à-dire qu'on écoute la radio sans faire autre chose. Hein. Il y a ça aussi, il y a cette dimension-là. Absolument, la radio, tout le monde l'écoute, pas seulement le soir. On l'écoute sans faire autre chose, on s'installe devant la radio. Alors, pas toujours au début. C'est-à-dire qu'on continue à faire la vaisselle en écoutant distraitement le début, et puis on prend en cours de route. Et dans un cas comme ça, on sait que c'est beaucoup arrivé. Des gens qui, à cause de ça, prennent en cours de route l'émission. Et pour revenir à la crédibilité, lorsque vous entendez le dernier reporter sur Terre à la fin, qui se trouve sur le toit de CBS, l'acteur est tellement extraordinaire. Il a joué la situation, mais au premier degré. Il se met véritablement dans la situation de quelqu'un qui voit avancer ses tripodes qui sont à 500 mètres, à 250 mètres, à 100 mètres, à 25 mètres, et puis son micro tombe et on comprend que c'est la fin. Donc il y a une émotion qui peut vous étreindre même aujourd'hui. Il y a un art aussi du bruitage qui est absolument insensé, et pour cette fin, tous les bruits que l'on entend sont des bruits absolument désolés, des bruits de fin du monde, vous êtes entièrement dans l'ambiance. Mais ce n'est que 3 minutes parmi les 37 minutes qui ont compté, puisque le coup de génie absolu, c'est au bout de 30 minutes, normalement, vous arrêtez. Mmh. Et là, il fallait quand même 7 minutes de plus pour rendre ça, disons, à peu près crédible, et donc Orson Welles et John Houseman ont forcé la main de CBS et ont décalé la pause d'identification, le moment où on vous dit vous êtes sur telle station de CBS et vous êtes en train d'écouter La Guerre des Mondes, une adaptation par Orson Welles du roman de H.G. Wells. Bien, et vous étiez en train d'écouter, vous, auditeurs de France Inter, les analyses de François Thomas. Merci infiniment d'être venu nous parler et de Orson Welles et de ce coup de génie, La Guerre des Mondes. Merci Orson Welles, merci à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Orson Welles, La Guerre des Mondes. Fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot.